Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.